J'ai fait semblant d'ignorer pour qu'elle m'appelle. J'ai fait semblant d'ignorer pour qu'elle m'appelle. J'ai fait semblant d'ignorer pour qu'elle m'appelle. J'ai fait semblant d'ignorer pour qu'elle m'appelle. Je vois plus le temps passer. Je suis figé sur ma montre. Je compte les jours et les heures, les minutes, les secondes. Je lui écris des textos, mais après je les efface. Je contrôle son numéro, mais après j'ai le trac. Une pluie de compliments, il m'a parlé poliment. J'étais avare en sentiment, la vérité si je mens. Cœur beau comme un continent, il m'a changé gentiment. Il m'a dit non. J'ai fait semblant d'ignorer pour qu'elle m'appelle. J'ai fait semblant d'ignorer pour qu'elle m'appelle. J'ai fait semblant d'ignorer pour qu'elle m'appelle. J'ai fait semblant d'ignorer pour qu'elle m'appelle. La machine a juste envoyé juste un dernier regard. Tout ça pour qu'elle se rappelle de moi. La machine a juste envoyé juste un dernier regard. Tout ça pour qu'elle se rappelle. Je te demande même plus où tu vas. Sur ce coup-là, je vais te laisser gagner le débarras. Mais ne crois même pas que je plaide coupable. J'ai bien vu que t'étais en ligne sur WhatsApp. Donc je me demande si tu craques ou paras. Tu m'embarques encore une fois dans tes histoires. J'ai fait semblant d'ignorer pour qu'elle m'appelle. Sera